faut pour en sortir. S'il me laisse faire, c'est encore pire. J'ai tout ce qu'il faut pour en sortir. S'il me laisse faire, c'est encore pire. J'ai tout ce qu'il faut pour en sortir. S'il me laisse faire, c'est encore pire. J'ai tout ce qu'il faut pour en sortir. S'il me laisse faire, c'est encore pire. J'suis dans le truc Trafalgar, j'ai les mains moites. Une minute pour diluer la pilule et toutes les joints doigts. J'ai besoin de sap, mais j'préfère faire croquer toute ma sec. J'ai rien à te raconter comme un schlac qui gratte les aztèques. J'aime sa souffrance, lâche des textes à outrance. On fait pas de chorégraphie, on n'est pas dans la mouvance. La substance que je consomme me donne l'inspi. Je raconte des conneries, cache mon album pour finir instruit. Ah, j'ai plus de chiro, sérieux, ils m'ont chéra. Je suis l'opposé, je veux tous les poloser, ça se verra même pas. Arrête-toi, l'usine revient et fait son entrée. On va sortir nos mouilles, j'en connais deux, trois qui vont ramper. Ils voulaient la punchline de l'année, mes poches sont vides, mes rimes sont pleines. J'effrite mon terre jusqu'à me canner. Faut que je fasse des lovés, si c'est en rappant, c'est mieux. Je caresserai pas la chance, elle a encore du sperme dans les cheveux. J'ai tout ce qu'il faut pour en sortir. S'il me laisse faire, c'est encore pire. J'ai tout ce qu'il faut pour en sortir. S'il me laisse faire, c'est encore pire. J'ai tout ce qu'il faut pour en sortir. S'il me laisse faire, c'est encore pire. J'ai tout ce qu'il faut pour en sortir. S'il me laisse faire, c'est encore pire. J'arrive en sous-marin comme la Navy. Survivrai Primo Levi. J'ai le talent des Mingo et ils sauront après ma vie. J'suis dans l'underground, dans l'alternatif. J'suis un Syrien qui chante la Marseillaise pour la mère patrie. Cherche une thématique, j'prends le stylo, j'prends le Boeing. Fleuve d'encre, l'Amazonie sur une feuille blanche comme terre d'asile. Quand j'serai riche, j'me révolterai comme Omar Sy. J'dis des trucs indéfendables comme le meurtrier Dupont Moretti. Concert pour handicaper nos fans automutiles. Partir de zéro nous rend indivisibles. On allumera pas le sol comme Michael dans Billie Jean. Ramène la somme, j'serai meilleur dans ma villa aux Philippines. Mets le casque, fais-toi chier à les oreilles comme Olyphile. Tu lâches mes faces dans ton sommeil, tes proches te regardent, puis oreilles fines. J'crache des textes bâtards depuis les origines. Depuis Adam et Ève, depuis l'invention de l'homicide. J'ai tout ce qu'il faut pour en sortir. S'il me laisse faire, c'est encore pire. J'ai tout ce qu'il faut pour en sortir. S'il me laisse faire, c'est encore pire. J'ai tout ce qu'il faut pour en sortir. S'il me laisse faire, c'est encore pire. J'ai tout ce qu'il faut pour en sortir. S'il me laisse faire, c'est encore pire. J'découpé d'une chico, deux trois syllabes corrompues. Nique sa mère, fait du rap dans une seule langue confondue. Mes dents en or ont fondu. J'suis sorti tout droit d'un volcan. J'danserai en enfer avec Wolfgang. J'apporte la parole, j'suis comme les mains d'un muet. J'peux pas m'arrêter dès que j'balance des mots doux. Mais oui, sur les petits, j'suis du père. J'ai atteint la stratosphère. L'intelligence de la rue ne s'acquiert pas sur un poster. J'ai l'esprit déréglé, de quoi tous les intéressés. Adepte du Z, ma secte, agenouille-toi, viens la vénérer. J'me suis retrouvé devant, j'ai plein de disciples à guider. Si j'passe en jugement, j'pourrais jamais être acquitté. J'lâche des faces fluo vertes, elles font des dégâts comme les tirs de nuit dans les vidéos de guerre. Fils de pute, niquez vos mères, aux armes ils veulent en venir aux mains. J'fume le venin, pisse, v'là les requins, j'fais jouer le réseau comme un riche notable. On a des plans sur l'océan, c'est la crise dans le bocal. On respire plus à cause d'elle totale. J'sais pas pourquoi j'me mets à rapper cette carotte mondiale. J'sais pas comment j'garde mon calme. J'ai tout ce qu'il faut pour en sortir. S'il me laisse faire, c'est encore pire. J'ai tout ce qu'il faut pour en sortir. S'il me laisse faire, c'est encore pire. J'ai tout ce qu'il faut pour en sortir. S'il me laisse faire, c'est encore pire. J'ai tout ce qu'il faut pour en sortir. S'il me laisse faire, c'est encore pire.